Caisse d'épargne. 7 sur 10, c'est la part des Français qui se posent des questions sur leur retraite. 7 sur 10, qui aimeraient pouvoir en profiter pleinement. C'est pourquoi la... Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Cousumain. Cette semaine, on rediffuse 4 épisodes pour donner la parole aux lycéens. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce lundi 29 novembre 2021 a eu lieu à la Maison de la Radio le festival Et Maintenant, qui se propose de faire émerger des idées pour demain en prenant le pouls d'une jeunesse prise entre Covid, crise et réchauffement climatique et qui a des choses à dire sur la vie, l'école, la sexualité ou les réseaux sociaux. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, quand les adolescents cyber-harcelés reprennent la main, un documentaire d'Ovidie réalisé par Nathalie Battus. Mais pour commencer, dernier épisode, ce sont les élèves du lycée du son et de l'image d'Angoulême qui vont inventer leur propre campagne contre le harcèlement, caméra au point avec Ovidie. Vous voulez pas manger quelque chose? Ouais, partir à Barcelone. Vous voulez pas manger? C'est pas cher, c'est rien. Un petit coup, on brade, franchement, mec, on brade. Quand les ados cyberharcelés reprennent la main. Par Ovidie et Nathalie Battus. Ce matin, c'est un peu. C'est qu'ensuite, intérieur jour, sortie de salle de cours. Camille sort de la salle de cours et rallume immédiatement son portable. Il commence à lire les commentaires. T'as pas honte de poster ça? Tu te respectes pas, sérieux. Tu t'es vu, t'es bientôt prêt pour le bois de Boulogne. Je vois pas quelle meuf voudra toi après ça. Non mais regarde-toi, tu me dégoûtes. Il a une sale gueule, mais vous trouvez pas qu'il a un bon petit cul à l'humeur? Suscite-toi pour nous, STP. Camille lit atterré. Il poursuit sa lecture des commentaires tout en marchant. Maëlle arrive derrière lui, le rattrape dans le couloir. Tu pourrais m'attendre, sérieux? Camille ne l'écoute pas. Oh Camille, je te parle. Excuse-moi, mais ça commence à me gaver. C'est bon, j'ai posté un truc et ils sont tous en PLS. Faut qu'ils s'en remettent, sérieux. Tiens, lis ça. Maëlle lit, il semble embêté. Ben, déjà, commence par supprimer. Non mais franchement, je poste ce que je veux. Ils sont qui pour m'écrire ça? Ben, assume alors. Ouais, je sais pas, t'as peut-être raison. Je vais supprimer le poste, histoire qu'il se calme. En 2018, j'ai été embarquée dans une action de prévention autour des sexualités et du numérique qui consistait à rendre les ados acteurs de leur propre prévention. L'idée ? Les amener à créer leur propre mal pédagogique avec des outils culturels tels que le théâtre, l'écriture scénaristique, la réalisation de films. Un petit groupe d'élèves volontaires du lycée de l'image et du son d'Angoulême a bien voulu se prêter au jeu. Et durant 4 mois, ils ont accepté de me consacrer tout leur mercredi après-midi pour écrire Camille, un court-métrage sur le cyberharcèlement. Lycée de l'image et du son d'Angoulême, tournage de Camille par Ovidie, séquence 11, plan 1, première. C'est Justin, j'ai 16 ans et je joue le rôle de Camille. Camille, c'est un jeune qui, suite au poste d'une photo de lui sur les réseaux sociaux, dans un monde où il y a une inversion des genres, ce qui fait que c'est plus les femmes qui dominent, se prend des remarques sexistes et endure toute une journée où il se fait agresser, où il se fait harceler. Voilà. Alors moi, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans et je vais harceler Camille en avec des paroles sexistes. Voilà. Moi, c'est Kevin, j'ai 16 ans et j'interprète le rôle de Maëlle. Donc Maëlle, c'est le meilleur ami de Camille. Alors moi, c'est Léa, j'ai 16 ans. Ben moi, je vais harceler Camille dans les couloirs. Je vais lui donner des regards dégueulasses. Quoi. Moi, c'est Camille et j'ai 16 ans. Et je vais être une des personnes qui va se moquer des photos de Camille, de son compte Instagram, tout ça. Alors, moi, c'est Adèle et j'ai 16 ans. Et je vais agresser Camille quand il sortira dans la rue. Pour lire le truc, des fois, je me trompe. Rappelez-vous qu'on est dans une dystopie, on est dans un monde qui n'existe pas, où il y a une inversion des genres, où les filles ont le pouvoir. Donc on est dans un monde un peu irréel, donc c'est pas grave si on est dans un monde où il y a un petit peu de tension, entre guillemets. Donc l'image sera grise, on est dans un monde très gris. C'est ça, mais je pensais que c'était... Il faut mieux rester atonal que mettre trop d'effets. Je sais, vous faites du théâtre tous les deux. Oui. Donc c'est vrai qu'en théâtre, on a peut-être souvent l'habitude de plus pousser la voix, ou de mettre plus d'effets. Ou... Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont pris en charge toute l'organisation du tournage et qui ont décidé du casting. Ils ont tout particulièrement insisté pour que leur CPE joue son propre rôle. La séquence numéro 12. Donc rôle de composition, hein, c'est ça ? C'est horrible. C'est horrible. C'est vous qui avez écrit le... Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. Bon, c'est encore les plus horrible. Vous avez. Non, c'est ça. C'est s'adapter. Hein. Donc oui, parce qu'ils vous ont expliqué le principe. En fait, on est dans un monde où les rapports de pouvoir sont inversés. J'avais compris en lisant. Ouais. Donc voilà ce qui explique que la CPE a un comportement absolument odieux. C'est ça. Et qui est donc inspiré de la réalité, puisque donc inspiré de. De mon CPE de collège. Il m'a dit une fois que c'était peut-être de ma faute si je me faisais harceler, voilà. Donc, nous sommes donc séquence 12 avec une CPE peu conciliante et peu empathique. Séquence 12, intérieur jour, bureau de la CPE. Camille se rend au bureau de la CPE. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Depuis ce matin, je me fais insulter par tout le lycée sur Insta. J'avais juste posté une photo et je m'en prends plein la gueule. Quel genre de photo ? Camille hausse ses épaules, mais ne trouve pas la position appropriée. Il prend son portable à la CPE. Ah ben, faut pas s'étonner. À partir du moment où vous postez une photo de vous sur les réseaux sociaux, il faut avoir conscience de vos actes. Oui, mais madame... Camille, tous les hommes se prennent des remarques sexistes. C'est pas parce que vous en avez eu deux ou trois sur Instagram que c'est la fin du monde. Vous avez cours, là ? Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous. Et vous en profiterez pour vous changer. Au-dessus du genou, c'est interdit. Donc ouais, faudra pas hésiter à être sèche et méchante. C'est mon même première lecture. Hein. Donc voilà, sèche et vraiment zéro empathie. Et voilà. Bon, j'ai bossé ce week-end. Hein. C'est surtout moi par rapport à mon vécu, par rapport à mon harcèlement, par rapport à ma relation avec mon CPE au collège. J'avais envie qu'il y ait une scène ou à un moment, il y ait une ou un CPE indifférent face à une situation de harcèlement. Parce que voilà, moi ça m'est arrivé et je trouvais ça assez choquant. Et je voulais que ça apparaisse. C'était vraiment ce qui me tenait à cœur, je pense, cette scène-là. Que ça soit réalisé. Et je trouve ça bien que ça ait été Madame Soira qui ait vraiment CPE au lycée. Parce que... qu'on puisse avoir son regard extérieur aussi par rapport à la situation. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'elle puisse dire comment elle aurait réagi face à ce genre de situation. Ça va être bien cette séquence 12. Mais je sais pas, il faut que je bosse quoi. Je m'entraîner sur mes enfants ce week-end. Hein. Je vais en parler sèchement, sans empathie. Comme ça, pour l'éternité, tu seras associée à cette image. C'est horrible. Le personnage odieux. En fait, j'ai eu un harcèlement qui a commencé en primaire. J'étais vachement laissé à part par les autres parce que j'étais différent, parce que j'étais plus mature aussi que les autres et que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, tout simplement. Et du coup, voilà, c'était plus compliqué en primaire parce que j'avais pas vraiment d'amis sur lesquels je pouvais compter. Et à partir de la sixième, donc ça a recommencé, c'était surtout des agressions verbales sur... ma manière d'être, je pense que je laissais paraître de moi, peut-être par rapport à ma sexualité, par rapport à, ouais, à beaucoup de choses, à mon style vestimentaire. Voilà, j'ai pris des remarques beaucoup tout le temps. Je pense qu'après, ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est... en fait, en début quatrième, il y a eu un groupe sur WhatsApp qui avait été formé de la classe. Et moi, j'avais pas encore de téléphone, donc j'étais pas sur le groupe. Et il y a des gens qui ont commencé à parler de moi en m'insultant, en fait, tout simplement, et en disant des choses qui étaient très homophobes, très discriminantes. Et j'ai une amie qui, un matin, vient me voir et qui me dit « Bah, j'ai vu ça sur le groupe. » Et du coup, elle a screené, en fait, les conversations. Et moi, le lendemain matin, je suis allé dans le bureau du CPE, je les avais imprimés, je les ai posés sur la table et je lui ai dit « Voilà, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui soit fait. » Parce que j'étais quelqu'un de très renfermé par rapport à mon harcèlement et qui pleurait souvent, qui n'arrivait pas à se défendre face à ça. Et un jour, ça a provoqué un déclic chez moi et je me suis dit « Il ne faut pas que je laisse faire les choses. » Et je suis allé droit dans mes bottes et j'ai dit « J'ai envie qu'il y ait quelque chose qui soit fait. » Donc ces personnes ont eu des sanctions qui étaient au final pas très fortes. Et voilà, et donc mon CPE m'a dit que c'était sûrement peut-être de ma faute si moi aussi je me faisais harceler et que c'était lié à ma manière d'être. Et ça a fait tilt dans ma tête, en fait. Et j'ai des amis qui m'ont pas soutenu non plus, qui ont dit « Oui, non mais ils sont trop gentils, ils auraient jamais fait ça. » Et ça m'a permis de prendre beaucoup de distance sur plein de choses et ça a fait qui je suis aujourd'hui aussi et que maintenant j'ai un recul par rapport à ça et je peux en parler totalement naturellement sans avoir aucun problème. Moi, j'aurais attendu qu'il y ait quelque chose qui marque et qui puisse montrer aussi aux autres que c'est pas bien quoi de faire ça. Et ouais, je crois qu'au final, il y a même pas eu de grosses sanctions. Ils se sont fait fâcher quoi. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des mesures qui soient prises où on parle par rapport au harcèlement en ligne. De manière plus pédagogique, peut-être aussi aborder pourquoi c'est mal ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui est... Parce que moi, dans ma situation, comme c'était dans des réseaux sociaux et que c'était une discussion publique, j'aurais pu porter plainte et j'aurais réellement pu aller à la police. Ce que mes parents ont longuement hésité à faire, parce que eux aussi ont eu un... Ils ont complètement craqué par rapport à ça, ils étaient dépassés par la situation. Ma mère étant dans l'établissement scolaire en plus à essayer de voir avec ses collègues en demandant « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez des signes aussi ?» Et je pense qu'ils attendaient réellement une sanction. Et en fait, je trouve ça assez significatif, le fait qu'ils aient pas eu de grosses sanctions derrière, pour montrer à quel point, en fait, le CPE a pas pris réellement en compte les choses. Et oui, mes parents ont même pensé à me changer d'établissement scolaire, tout ça parce que c'était vraiment compliqué. J'ai eu des années collège très dures. Le lycée ici, avec l'ouverture qu'il y a, ça a vraiment permis de me révéler et pouvoir me sentir bien, enfin. Et c'est compliqué, j'ai encore du chemin à faire devant moi, mais je pense que ça a vraiment été libérateur, le lycée ici. Quoi ? C'est pas toi que je regarde, c'est lui. Il est encore plus mal foutu, en vrai. Toi, t'as pas honte de tourner avec ça? Au fond, t'es peut-être pareil. Allez, viens, on se casse. En France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Le phénomène n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et ce qui a changé, c'est la forme que prend ce harcèlement. Et une des formes les plus répandues à l'heure actuelle, c'est la circulation non contrôlée de photos intimes. Jannick Vinstel, infirmière scolaire. C'est compliqué parce que souvent ils arrivent à l'infirmerie quand vraiment ils sont harcelés. Ça veut dire que la photo est déjà diffusée, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment arrêter tout ça, cet engrenage en fait dans lequel ils sont pris. Donc c'est vrai que c'est très complexe, mais ça arrive souvent, souvent, souvent. Donc le fait de l'exprimer, c'est vrai, par le biais du court-métrage, ça montre bien quand même que c'est une problématique actuelle, vraiment une problématique chez les jeunes, quoi. Ça, c'est sûr. Après, ça, ils en parlent. Ils en parlent, mais une fois que les problèmes sont là, une fois que c'est compliqué, une fois qu'à la maison, c'est difficile d'en parler. Donc, ça, c'est vrai qu'ils expriment ça facilement. Oui, ils expriment. Et qu'est-ce qui est mis en place, du coup, au sein de l'établissement, quand un problème comme ça se passe ? Alors déjà, moi je les reçois en entretien. Après, on travaille avec une équipe pédagogique. Hein. Je suis pas seule à travailler à l'infirmerie. Donc c'est vrai que je travaille en lien avec les enseignants, en lien avec les CPE, voire avec le proviseur adjoint. Et c'est vrai que en fonction du type de harcèlement, en fonction de la situation, on évalue. On peut faire un signalement Si vraiment on estime qu'il y a un danger potentiel pour l'adolescent, on peut faire un signalement aussi. Mais avant, on essaie de traiter ça en interne. On essaie de discuter avec l'élève, de discuter avec celui qui a posté la photo, de discuter avec le groupe voilà, autour de l'élève. Voilà, on est dans le relationnel, dans le dialogue. Et ensuite, effectivement, on peut signaler. Nous n'avons aucune formation sur le numérique. Aucune. On a des formations sur des sujets dont tout le monde se fiche. Marie-Pierre Soira, CPE du lycée de l'image et du son d'Angoulême. Écrire le projet éducatif de l'internat, voilà. Mais non, pas de formation sur les vraies problématiques auxquelles on est confronté. Mais enfin, en même temps, moi je dirais que la formation initiale, c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous êtes stagiaire CPE. Alors moi, c'était à l'époque des IUFM encore, hein, mais on a passé un an sur la formation des délégués, et puis après, on vous mute en banlieue parisienne. Moi, j'étais dans le quartier des Pyramides à Évry, autant vous dire que la formation des délégués, pendant 2 ans, je l'ai pas faite, quoi. Enfin, j'ai essayé de comprendre le monde qui m'entourait, quoi. Enfin, donc voilà, c'est toujours... De toute façon, on a toujours 10 wagons de retard. Alors après, au demeurant... Alors moi, j'ai aussi envie de dire que l'institution est défaillante. Bon, ben ok, on le sait. Alors ça, je sais pas s'il faut le dire. Je vais pas être promouvable. Mais en même temps, c'est aussi à nous de construire notre identité professionnelle. Enfin voilà, il y a des outils quand même. Je suis allée passer une journée à la maison des adolescents en Angoulême. Voilà, avec des collègues, on a échangé sur des problématiques. Les choses, elles sont possibles. Il faut les construire. Enfin, je crois qu'il faut qu'on arrête d'attendre de notre institution et qu'on fasse nous-mêmes. Alors, c'est regrettable, mais... Voilà, si on veut fonctionner, on n'a pas le choix. Mais c'est du bricolage, clairement. Oh, j'ai envie d'avoir le poster, mais ce serait horrible. Mais on devrait l'envoyer sur le groupe. Il y a un photomontage. Il faut commencer, ça. Il faut commencer. Un photomontage. Comment c'est sur cette photo? Je le fais ce soir. Vas-y. Il faut une sale gueule et tout. Enfin, même s'il n'a pas trop besoin de photos. Ouais. Oh, c'est... Oh là là. Attends, c'est qui avec lui, là, sur toi? En plus... Il est dans ma classe et il est juste à côté de ma chambre et tout. Ah, ça, il est à côté de ta chambre. Ouais, c'est bien, genre, il doit te voir te changer et tout. Genre, ah, non, ok, donc chahutez autour du portable et quand je vous dis Justin, ça veut dire qu'il arrive et il y a une réaction. Okay. Et il va arriver pour de vrai d'ailleurs. Mais. Oh, mais des petits commentaires un peu sales. Mais c'est affreux. Justin. C'est peut-être lié au profil artistique de nos élèves, mais il y en a un certain nombre qui font preuve d'une originalité, alors dans leurs vêtements, dans leur style, dans la couleur des cheveux. Ici, on a tout, hein, vert, rose, bleu. Y a vraiment... Thierry Roule, proviseur. Ils ont peut-être un profil qui fait que, ou une personnalité qui fait qu'ils n'ont peut-être pas toujours suivi le troupeau, entre guillemets. Et donc typiquement, notamment dans les classes de collège, c'est le genre de profil qui se fait harceler. Et donc, on a effectivement pas mal d'élèves qui arrivent ici en souffrance. Il y en a même qui ont du mal à passer la porte le premier jour. Hein. Je me souviens d'une élève là, dont on s'occupe toujours, qui était avec sa mère et qui lui tenait la main. Mais en fait, c'est pas la mère qui tenait la main de sa fille. Hein, c'était la fille qui cramponnait sa mère et qui voulait pas la lâcher, tellement elle était terrorisée. Donc, c'est des élèves qui, à un moment, ont besoin de retrouver la confiance, de se poser dans un environnement sécure, dans un environnement bienveillant. Enfin, j'insiste beaucoup sur la notion de bienveillance parce que c'est vraiment quelque chose... Il y a beaucoup qui pensent que ça fait neuneux, mais je trouve que c'est essentiel, surtout pour les internes, parce que là, mine de rien, ils sont là toute la semaine, hein, c'est leur deuxième maison. On essaye d'être souple sur les contraintes qu'on peut leur poser pour éviter justement qu'ils se braquent. Et la souplesse, ça va des fois jusqu'à des trucs qui peuvent paraître bébêtes, mais le matin, il y en a qui descendent en grenouillère hein, pour prendre le petit déjeuner. Et j'en ai vu un l'autre jour, il a une grenouillère, c'est une fille, je crois, grenouillère rose bonbon avec des grandes oreilles. Et donc, on voit un lapin qui est attablé à la table du petit-déjeuner. Bon, voilà, ça fait partie du Lisa. C'est pas gênant et ça les aide à se sentir un petit peu mieux aussi dans leur vie quotidienne. Voilà, c'est des petits trucs. Hein, c'est rien de révolutionnaire, mais voilà. Du suivi individuel, un tuteur, un référent, de l'aide aux devoirs, de la souplesse quand il y a besoin. Et globalement, ça fonctionne. Alors du coup, là, on va faire un travelling arrière. Et vu qu'on est dans une rue, on a pris un caddie. Donc là, je suis avec la caméra portée sur l'épaule, assise dans un caddie, pendant que Elina est en train de pousser le quête. Pardon. Alors, le but du jeu, ce serait c'est que Justin longe suffisamment les murs tout moches là pour les avoir dans le cadre. Ouais. Lui, je le prends en plan poitrine, épaule. Comme ça. Ça marche. Ok. On se l'attend. Ouais, ça se tente. Ce scénario, vous l'avez écrit. Enfin, on l'a écrit tous ensemble, mais c'est vous qui en avez eu l'idée. C'est la première fois quand on s'est rencontrés, je vous ai posé la question de quoi vous aviez envie de parler. Il y avait plein de choses qui étaient possibles en lien avec le numérique. Ça pouvait être effectivement toutes des problématiques, plein de problématiques autour du sexisme, mais ça pouvait être même la pornographie. Enfin, ça pouvait être plein de choses. Vous avez choisi spécifiquement le harcèlement et l'irréputation. Mais vraiment en masse, hein. Il y avait vraiment un consensus là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler là-dessus ? En quoi c'est un sujet qui vous touche particulièrement ? Alors moi déjà, moi je suis très féministe, ça me touche énormément ce sort de sujet, et ça faisait très longtemps que je voulais déjà faire un projet dessus, genre un film ou une chanson qui parle de sexisme ouais. Du coup, j'ai proposé, c'est le premier truc que j'ai proposé. J'étais trop contente. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose auquel on a tous été confrontés et que c'était plus facile pour nous de raconter l'irréputation que quelque chose qu'on n'a pas vécu. On voulait raconter un peu du vrai, même si c'est en inversé, que c'est un effet miroir, mais on a raconté ce qu'on a vécu, mais différemment. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le projet, c'est qu'on aborde, on reste pas que sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et on aborde plein de petits sujets, alors qu'ils sont parfois assez subtils, mais ça se complète assez bien au final. Tu disais que c'était quelque chose que vous aviez tous vécu. Est-ce que vous pouvez en parler de ce que vous avez vécu ? Par exemple, juste les petits regards parce qu'on porte une jupe, ou les regards dans le bus, parce que ça, c'est quelque chose qui est totalement vrai. Tout ce qu'il y a dans le court-métrage est vrai, donc on s'est inspiré de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a raconté, mais le taquelage qui revient sans cesse, les nudes qu'on nous envoie alors qu'on n'a rien demandé sur les réseaux sociaux, c'est bon, on les a pas demandé, on n'a rien fait, on vient nous agresser directement, soit par les réseaux sociaux ou autres. Et à force, on va se poser des questions, dès qu'une personne nous envoie un message, est-ce que cette personne va aussi être malsaine, est-ce qu'elle va aussi nous forcer à quelque chose ou autre? Donc ça me met le doute partout au final, mais j'ai pas envie de vivre dans le doute, et je pense que les personnes qui m'entourent actuellement aussi ne veulent pas vivre dans le doute. Quand j'attendais le bus par exemple, il y avait des mecs qui s'arrêtaient au milieu de la route dans leur voiture, et ils m'appelaient et disaient hey, tu veux pas un mec, viens me voir là, et avec toutes les voitures derrière qui klaxonnaient. Et il y avait aussi plein de mecs, mais surtout des vieux bourrés qui venaient me voir. Ils disaient, ils me demandaient mon âge et tout. Et ce qui m'a vraiment dégoûté le plus, c'était que les gens autour de moi, ils regardaient, mais ils ne faisaient rien. Et franchement, je trouve que c'est pour ça que aussi, ça, c'est très important de faire ce genre de film. Genre, il faut agir quand on voit ce genre de trucs, quand on voit des gens... qui va pas bien, qui se fait harceler, qui se fait agresser, qui se fait toucher dans le bus ou quelque chose comme ça, il faut faire quelque chose, quoi. Ça tourne au son. Ok. Séquence 13, c'est à 1. Camille repart seule, croise un groupe de filles. Hé, hey, les filles, ce serait pas le beau gosse de la photo? Je le préférais sans habits. Hé, hey, t'en... Camille accélère le pas. Hey, t'en vas pas si vite. Elle le rattrape, une fille bloque son chemin et passe en direction. Hey, mieux, toi. La fille se de derrière se rapproche. Bonjour. Mais passe par là. T'as pas envie de me faire plaisir. Allez, fais-nous plaisir. Calme-toi. Calme-toi. Moi, j'étais très transparent avec mes parents. J'ai toujours été très proche d'eux. Et eux, ils ont toujours essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que je me sente bien. Ça va, ta journée s'est bien passée ? Oui, oui. Voilà, après c'est très compliqué, je pense, pour une maman d'entendre ça, que son fils se fait harceler, de pouvoir se sentir un peu impuissante face à cette situation-là. Donc je pense qu'ils ont essayé de mettre un peu de pression derrière pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Mais je pense que pour mon accompagnement à moi, ils ont été géniaux, quoi. Et je pense que je les remercierai jamais assez pour ça, parce que vraiment, j'ai été très bas, j'ai eu des idées noires comme tout le monde peut avoir. Et voilà, avoir un réel soutien de ses parents, je pense que ça fait la différence. Il y a malheureusement tellement de gens qui n'ont pas ce soutien-là face à des situations de harcèlement ou qui n'osent même pas en parler à leurs parents. Moi, je pense que c'est ce qui a fait que aussi j'ai réussi à me relever de ça, c'est que j'ai pu avoir en parler avec mes parents, en parler avec mes amis qui, eux, étaient restés et qui voilà, ne m'ont pas jugé pour ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est ça le principal aussi de ce que j'ai à retenir de ça, le soutien qu'il y a eu derrière. Ça tourne au son. Séquence 6, extérieur jour lycée, un groupe mixte de 6 lycéens est assis sur les marches de l'entrée du lycée. Ils sont rassemblés autour d'un téléphone, ils ricanent, se l'arrachent des mains, l'un d'eux regarde Camille passer, chuchote dans l'oreille de son sa voisine Eric. Ça c'est bon, on a les figurants sur... Ouais, tout va bien. Intérieur jour lycée, tu fais l'élève ? Oui. Ok. Séquence 6, intérieur jour lycée, suivi en caméra embarquée, de dos puis de face, de Camille qui avance dans les couloirs. Il se dirige vers la salle de cours. 3 élèves se retournent sur son passage, il ne comprend pas. Il rejoint Maël, son ami, devant la salle de cours et se font la bise. Un élève passe devant eux, regarde Camille, fait un commentaire. T'es habillé aujourd'hui ? C'est quoi son problème ? Faut dire, t'as vu la photo que t'as postée ? T'as vu les commentaires ? Ils entrent dans la salle de cours, la conversation s'interrompt de fait. Autoportrait, et il effectue ici une sorte de remise en question. Il se représente devant un miroir et essaie de découvrir s'il est capable ou non de se représenter. Le problème qui se pose, c'est l'objectivité et la subjectivité. Quand on se représente, peut-on effectivement être neutre ou, au contraire, essaie-t-on d'embellir son autoportrait ? Alors, vous découvrez ici, Camille, on range le portable. Ne m'obligez pas à vous le confisquer. On peut continuer ? Ils ne savent plus comment faire. Une fois que la photo est balancée sur les réseaux, Janine on ne sait plus comment faire. Infirmière scolaire. Et là, on se dit, mais est-ce que j'aurais dû envoyer cette photo-là ? Est-ce que c'était autorisé ? Est-ce que c'était permis ? Qu'est-ce que je risque après ? Ben là, c'est trop tard, en fait, pour le calculer. Et la photo est diffusée. La photo, ben, ça a un impact, évidemment, sur l'ado, bien sûr, parce que, forcément, ça passe sur des groupes, en plus. Donc, ça veut dire que c'est diffusé pour la toucher, pour la heurter, pour la blesser. Et ça peut aller très loin, quoi. Ça peut aller très loin. Donc, c'est une simple photo, voilà, en maillot de bain, voire dénudée, hein, complètement dénudée, peut avoir des conséquences terribles pour celle qui la poste, quoi. Et au départ, on ne se rend pas compte. Mais même si les collégiens sont informés de ça, bah, ils sont pris au piège. À un moment donné, ils sont pris au piège. Et sans réfléchir, vont poster effectivement une photo un peu compromettante, qui sur l'instant ne l'est pas du tout, mais qui après peut avoir des répercussions, une fois que la photo est lancée. Parfois, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'ils ont l'impression que c'est eux qui sont en faute. Donc c'est peut-être cette culpabilité aussi qui fait qu'ils n'osent pas forcément en parler dans un premier temps, et que quand ils commencent à en parler, c'est que ça a pris des proportions folles. C'est ça, ils sont pas coupables, enfin ils se sentent coupables, mais en fait c'est la question, le questionnement en fait, c'est est-ce que je devais poster ça, est-ce que j'avais le droit, est-ce que je l'ai fait, mais je suis libre aussi de poster quelque chose, mais en même temps les répercussions derrière, ils les calculent pas forcément. Après, en fonction de l'adolescent qui est en face de moi, en fonction des camarades, je peux aussi recevoir les camarades, ça m'arrive, pour qu'ils se rendent compte un peu de l'impact que leur geste a pu produire sur le copain ou la copine qui est à côté. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils réagissent ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, justement ? Alors le pourquoi, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour se venger parce que la copine l'a rompu, ça peut être pour plein de choses, hein, des problématiques d'ado. Mais en même temps, ils ne se rendent pas compte de l'impact, je pense. Ils ne se rendent pas compte, non, du tout, de l'impact que ça peut avoir sur l'adolescent. Ils ne se rendent pas compte. Ils font, alors, des fois que c'est une petite vengeance, des fois c'est pour s'amuser, pour faire rigoler le copain d'à côté. Mais en même temps, non. Quand ça touche au physique, quand ça touche à l'apparence, ça c'est compliqué après. Tu dois continuer à regarder aussi. Moi, j'ai un doute sur la Poussy Pix, si tu la regardes ou pas, quoi. Je suis pas sûre que tu lui... Soit vous le jouez, c'est-à-dire tu lui passes et puis là, t'as vraiment une réaction... Soit tu l'assumes pleinement de lui montrer la photo dégueulasse, soit tu la gardes pour toi, quoi. Mais il faut que vous ayez une réaction, parce que là, en fait, tu regardes comme si tu lui montrais une photo d'un chien ou de ses vacances, quoi. Donc, il faut vraiment... Donc, qu'est-ce que tu préfères faire être... Sur le deuxième, oui, ça montait crescendo sur l'open bar, ouais. Et c'est après qu'il y a eu ce moment de flou où vous n'êtes pas si étonné que ça, quoi. Donc soit c'est à ce moment-là que toi tu dis vas-y, fais voir. Et puis toi, à la rigueur, qui retire le portable. Je parle du moment de la Poussy Pix. Ça tourne au son. Séquence 10, plan 1, prise 4. Hey, j'ai vu ta photo, t'es toujours aussi mignon. Ça rappelle de bons souvenirs. Putain, y a même mon ex qui s'y met. Fais voir. Et si ça te dit, on peut se retrouver après les cours. Non mais crois quoi, sérieux, que c'est open bar? Ah mais c'est dégueulasse, elle vient de m'envoyer une photo de sa chatte. En même temps, c'est pas étonnant que les gens aient cette image de toi. Vous en avez tous reçu des news? C'est vraiment, ça vient comme ça dans la discussion et boum, on n'a rien demandé. C'est non, en fait, il y a pas, enfin, ça va pas à être là, ça va pas à venir. On n'a rien demandé, on veut pas et comme ça, d'un coup, non. Parfois sorti de nulle part justement, ils arrivent même pas bonjour et là boum. Je pense que vis-à-vis de ça, on appréhende toujours un peu. Enfin, du moins, personnellement, j'appréhende toujours. Je me dis, il y a peut-être une arrière-pensée. Et je vais essayer de parler normalement, mais je vais quand même réfléchir à ce qu'on me dit pour voir, analyser la situation constamment. Et ne serait-ce que sur tout ce qui est réseaux sociaux, je vais rester en compte privé et vraiment filtrer ceux qui me demandent. Parce que si je les connais pas, je peux pas trop leur faire confiance. Je pense que mes parents vont me dire que c'est comme dans la rue, ne parle pas aux inconnus. Donc ne parle pas aux inconnus sur les réseaux sociaux aussi. Ça va être la même chose, c'est la rue, c'est comme les réseaux sociaux, tu croises qui tu veux. Et même ceux que tu veux pas. Donc fais attention, ils me diraient ça, je pense. Et même, on peut, comme les réseaux sociaux, on peut pas douter que... Qui c'est qui est derrière ce compte? Qui c'est qui est derrière cette photo de profil? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est quelqu'un de réel? On sait pas. On peut pas avoir ce... On n'a pas le même doute que dans quelqu'un dans la rue, c'est juste ça, la différence. Bah, moi, j'ai essayé d'en parler un peu avec mes parents, mais à chaque fois genre, que je commence, ils disent oh, « Quoi? Comment? Quand? Quoi ?» Et du coup, ils stressent énormément. Je fais « Non, mais t'inquiète, c'était pas grand-chose, c'était juste comme ça. » Je suis bien, quoi. Genre, je me suis pas fait agresser, mais... Quand même, genre, ça m'a fait très très peur. Mais en même temps, genre, les parents qui disent ne parle pas aux inconnus, alors, des fois, mes parents s'arrêtent et commencent à parler avec des inconnus. Donc, comment je suis censée savoir à quel inconnu qui parler, genre. Bon, bah, j'y vais, moi. T'es sûr pour le short, là? Ben quoi? Y'a rien qui te choque. Ben non. Séquence 4, Camille s'installe dans le bus, une dame, la cinquantaine, est assise en face de lui, elle le regarde avec insistance, l'œil lubrique. Il est gêné, elle fixe ses jambes, il tire sur son short. Nathalie Philippe, proviseure adjointe. En même temps, quand on regarde sur des époques passées où il n'y avait pas de téléphone du tout, même, enfin, je ne suis pas sûre que pour autant les intentions étaient meilleures et qu'il n'y avait pas non plus de choses infâmes qui se passaient. La différence, c'est que certes, il n'y avait pas le téléphone, mais en plus, on n'en parlait pas. Donc, on ne pouvait pas aider les victimes, on ne pouvait pas aider non plus les coupables, et on ne pouvait pas les soigner, faire en sorte que ça aille mieux pour eux. Je ne suis pas sûre que ce soit pire qu'avant. Les modalités sont différentes, les mises en œuvre sont différentes. Est-ce que c'est pire? Honnêtement, en travaillant à l'éducation nationale, on vit entouré d'adolescents. Et moi, je reste persuadée que c'est eux qui sauveront le monde. ce qu'on n'a pas su faire. Donc j'ai plutôt confiance dans leur capacité à réagir, à prendre du recul, et pour peu qu'on les aide un peu. Et puis surtout, pour moi, ils ne sont pas plus malveillants qu'avant. Absolument pas. Je pense qu'on a progressé même en matière de bienveillance. La différence, et c'est piégeant, parce que du coup, comme on en parle, et que c'est relayé énormément, on a l'impression que c'est tout le temps, partout. Non, il y a quand même une sérénité qui existe encore. On parle beaucoup des réseaux en disant, oui, mais ça les isole, il n'y a plus de solidarité. Moi, je trouve pas. Enfin, quand je les vois fonctionner, quand il y en a un qui va pas bien, il y en a 10 souvent autour. Oui, il y a des situations de harcèlement, comme il y a pu y avoir avant, et puis on les règle. Mais moi, je trouve qu'il y a une vraie solidarité entre eux. Et elle n'est pas que numérique. Enfin, c'est pas vrai. Elle est bien réelle. Donc, moi, j'ai confiance dans la jeunesse. Clairement. Et définitivement. Déjà, quand on parle de l'interdiction du portable, ça fait un peu rigoler les chefs d'établissement parce que le portable est interdit dans la loi depuis 2010. Donc, Monsieur Blanquer, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, avec tout le respect que je lui dois, a fait quelque chose qui s'apparente à de la communication puisque globalement, l'interdiction était déjà posée. Ceci étant, moi, je considère en tant que chef d'établissement et donc a priori premier pédagogue de l'établissement que l'usage du portable, à condition qu'il soit raisonné, n'est pas vraiment un problème en soi. Ça permet d'avoir un accès rapide à Internet et à la connaissance, y compris en cours. Et on voit bien, d'ailleurs, dans certains pays d'Europe du Nord, où les élèves peuvent passer les examens, je crois que c'est en Suède, si je ne dis pas de bêtises, en ayant accès à Internet. Donc ce qu'on leur demande, ce n'est plus d'accumuler des connaissances, d'ingurgiter, de se remplir le cerveau de connaissances, mais c'est, à partir de connaissances qui sont à disposition, de savoir les utiliser, les valoriser et les mettre en œuvre. Donc on est dans un changement de paradigme complet. Donc c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Ça permet de changer le regard sur le téléphone, qui n'est pas juste le doudou qu'on a toujours en main pour être toujours en lien avec les copains, mais qui là devient un outil de travail. Penser que les jeunes vont abandonner le téléphone portable, en tous les cas dans la génération actuelle, il ne faut pas rêver, c'est mort. Ils l'ont, ils vont le garder. Il va certainement évoluer, il va certainement changer, ce sera peut-être des montres connectées, des lunettes connectées, peu importe. Mais le principe d'être connecté va rester. Donc il faut s'appuyer là-dessus, en tirer ce qu'il peut avoir de positif. Donc il y a toute une éducation au numérique à faire. Donc diaboliser ça, ce serait absurde. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une autre personne importante avec Justin sur cette scène-là, sur qui je pourrais mettre le deuxième cravate? Oui, la graisseuse, du coup. Ça serait plutôt sûr. La graisseuse. Les deux qui ont du texte, quoi. Justement, je sais pas exactement qui vous. Justin, Justin, c'est bon, oui. C'est toi qui vas essayer, c'est la deuxième personne de l'agresseuse. Moi, je suis la fille 2. C'est toi qui parle. On est trois à parler. Ah, mais qui parle plus? Oula, la fille 3, elle parle le plus. C'est moi qui parle. Non, attends. Non, on parle autant. Ouais, autant, peut-être. Les adultes, en fait. Le monde des adultes et dans tout ce qu'on peut lire dans la presse, dans les études, sur votre génération, donc des adultes qui parlent aussi à votre place. Ce qu'ils disent, c'est que ça a perturbé votre relation à l'autre, vos relations amoureuses, votre future sexualité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un regard très, très adulte sur des choses qui ne leur sont pas propres du tout. C'est pas réellement se mettre à la place, c'est presque pédant. Moi, je pense qu'on est dans une génération qui vit dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a une extrême ouverture. Entre amis, on n'a pas forcément de tabou sur la sexualité, sur plein de sujets différents, et je pense qu'on a une conversation qui est très libre. Nous, la jeunesse, on est très souvent associé à cette image... à cette image de dégénérer un peu sur certains thèmes, et c'est très adulte. C'est trop. Et je sais pas comment nous on sera plus tard, mais je pense qu'on sera aussi dans une discussion qui sera peut-être plus ouverte sur pas mal de choses, puisqu'on est, même si on est plus exposé à ce genre d'image, tout ça, on est plus sensibilisé aussi. Il y a plein de choses dont on parle beaucoup plus maintenant, notamment sur les questions de sexualité. C'est beaucoup plus facile de parler de relations sexuelles à ses parents maintenant qu'il y a longtemps. de ce qu'il faut faire, de se protéger, tout ça. Et c'est... j'espère que nous, on fera la même chose. Et je pense que ça va donner aussi des générations de parents plus ouverts là-dessus et qui vont avoir un vrai dialogue avec leurs enfants. On réfléchit plus, on apprend plus à réfléchir, on n'essaye pas de reproduire bêtement. Ouais. Moi, par exemple, je me sens moins forcée de faire des trucs, d'avoir la petite condition de la fille basique qui va au lycée, qui va avoir son petit copain, son ci, son ça. Et comme dit Justin, on peut parler, souvent on peut parler de la sexualité ouvertement. Ça peut choquer des personnes parce qu'on n'a pas tous la même ouverture d'esprit, mais on peut se rendre compte de l'histoire de l'autre, on peut en parler, et c'est moins tabou. Le fait d'en parler quand c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour certaines personnes, ça fait réfléchir aussi. Mais je pense que oui, il faut en parler et ça doit plus devenir quelque chose de réellement tabou. Je vais perdre ta mère, elle va perdre. Le fait de s'exposer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Alors quand je dis s'exposer, je ne parle pas de nudité ou de choses pornographiques, mais... le fait d'exposer sa vie, de se mettre en scène, de poster des images de soi qu'on pense valorisantes, de quelque part un peu scénariser sa vie. Alors quand on va trop loin, c'est dangereux, mais pour certains qui doutent un peu d'eux-mêmes, qui n'ont pas assez confiance, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la catharsis, qui fait que voilà, quand ils postent une photo, ils en ont le contrôle, ils peuvent la retoucher un petit peu, améliorer, voilà, effacer un ou deux boutons, bref, se valoriser. Et comme c'est quelque chose qui est quand même très très suivi par les jeunes, avoir cette interface valorisante, peut-être que ça peut être positif. Là, il faudrait voir ça avec des psys qui sont beaucoup plus calés que moi, mais je pense qu'il doit y avoir quand même quelque chose de positif à tirer de ça. On a ajouté un moment l'histoire de la poussi pique. Ouais. Ouais. Parce que je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'avoir cette inversion pour montrer à quel point c'est absurde, puisque question des dick pics, des photos non sollicitées, c'est quand même un grand classique et on se trouvait intéressant d'introduire vraiment en effet miroir la poussi pique pour montrer le caractère débile de l'affaire. Je sais pas, vous en avez déjà reçu des poussi piques, comme tout le monde? Non. Bon, donc voilà, c'est pour ça qu'on a introduit cette histoire de poussi piques. C'est que c'est qu'on s'est dit que c'était bien le miroir voilà, de la dick pic. Juste une petite question, le temps que l'arrivée part. Par rapport à la poussi pique, faudrait qu'elle se voie à l'écran ou pas? Bah non, on n'a pas le droit. D'accord, c'est ça. Donc on se mettra de manière à ce que ça se voit pas. Okay. Et même la photo, on l'a pas faite non plus. Donc, La photo de toi? Oui. Non, donc, et je pense que c'est pas important. Oui, ouais, c'est pour ça, c'est que c'est pas important, on avait dit. Ouais, ça laisse le spectateur imaginer le pire ou le mieux, ou c'est ça. Ce qu'il veut. Et je pense qu'en fait, on s'en fiche de savoir vraiment ce qu'il y a sur la photo, ouais. parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir, quoi, que ce soit une photo juste en maillot, ou que ce soit une photo vraiment à poil. Enfin, à la rigueur, de toute façon, il ne mérite pas, d'être emmerdé comme ça. Donc, ça tourne au son. Séquence 1. Séquence 15, pardon, plan 1, prise 1. Il y a lycée qui a appelé là. Attendez. Pardon. Attends, c'est juste action. Non, on fait des actions, t'attends 2 secondes et tu es là. Je suis désolée, hein, parce que c'est pas les mêmes codes. Un cran peut-être en dessous. Un cran en dessous? Ouais, parce que là, vraiment, il va être tétanisé, mais peut-être un cran quand même en dessous. Okay. Il s'attend, parce qu'il n'est pas préparé psychologiquement à ça. Énervé, pareil, mais juste baisse les potards. Ça tourne toujours ? Ça tourne toujours, oui. Il y a le lycée qui vient de m'appeler, là. À mon boulot. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire de photo ? T'as pensé à ton père ? T'as pensé à moi ? Non, monsieur pense à lui. Hein ? Et qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Mais pour qui on va passer maintenant ? Est-ce que tu te rends compte ? C'est bien. Je l'aime beaucoup. La sortie de champ complète, c'est pas grave. De toute façon, on sera sur Justin au montage qui est estomaqué. Séquence 15, plan 1, prise 2. Ça va, ta journée s'est bien passée ? Oui, oui. Il y a le lycée qui m'a appelé au boulot. Tu peux m'expliquer ce que c'est cette histoire de photo ? Mais qu'est-ce que tu fais ? T'as pensé à ton père ? T'as... a pensé à moi? Non, non, monsieur pense à lui. Monsieur fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens, maintenant? En novembre 2019, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique parvient à nous organiser une projection du film à l'Assemblée nationale. C'est la consécration ultime pour ces lycéens. Non seulement ils sont aujourd'hui reconnus comme victimes de harcèlement, mais en plus, ils peuvent désormais partager au plus grand nombre leur expérience et proposer leurs propres pistes de réflexion. De plus, sur les réseaux sociaux, les likes sont extrêmement présents, comme il a été dit précédemment. Et du coup, il faudrait pas les supprimer, mais si jamais une personne souhaite qu'on n'aime pas sa photo, il poste sa photo juste pour le plaisir, et bah, il faudrait qu'il y ait une possibilité de justement supprimer les likes et les commentaires pour ceux qui le souhaitent et pas pour tout le monde, parce que pour certaines personnes, c'est important. Les filles garçons, deux groupes vont prendre la parole, poser des questions, vont échanger, mais ce sera juste après un court-métrage qui doit nous aider à la prise de conscience du cauchemar que peut être et qu'est bien souvent le cyberharcèlement, un fléau qui, je le rappelle, conduit chaque année plusieurs jeunes au suicide. Alors ce court-métrage a été réalisé par les élèves du lycée de l'image et du son d'Angoulême, supervisé par la réalisatrice Ovidie et produit par l'association Open. Alors pour nous parler rapidement de ce film intitulé Camille, j'accueille Ovidie. Alors on va d'abord écouter un petit mot de la réalisatrice, à qui je donne mon micro. Merci. Je ne suis pas vraiment la réalisatrice en fin de compte, je n'ai joué dans cette histoire qu'un rôle d'encadrement et d'accompagnement plutôt. Un tout petit mot de contextualisation, je ne vais pas leur confisquer la parole puisque ce n'est pas le but de cet événement cet après-midi. Juste pour vous dire dans quoi s'inscrit le tournage de Camille, qui est donc le court-métrage qui va être projeté maintenant. C'est un tournage qui a été basé sur le volontariat, ils vous le diront peut-être eux-mêmes, mais ils ont donné énormément de leur temps, du mois de février jusqu'à la fin de l'année scolaire dernière. Tous les mercredis après-midi, ils se sont enfermés avec moi pour parler de sexisme, de numérique, ce qui est peut-être pas forcément toujours les thématiques les plus joyeuses, surtout quand il fait beau dehors et qu'on a 15 ans. Et voilà, on est parti du constat suivant, c'est que les discours de prévention autour du numérique et a fortiori autour de la pornographie étaient des discours vains, que ça fonctionnait absolument pas, que ça servait à rien de leur dire « attention les enfants, les réseaux sociaux c'est pas bien » ou « attention les enfants, le porno c'est pas bien », qu'ils étaient suffisamment malins pour s'en rendre compte eux-mêmes et surtout pour produire leur propre discours. Puisqu'il faut admettre une chose, et on l'a répété à plusieurs reprises cet après-midi, ce sont eux les experts, il faut accepter l'idée qu'ils détiennent un savoir que nous ne maîtrisons pas, ils en savent beaucoup plus que nous, et voilà. Donc je leur laisse la parole. Donc bonjour, nous sommes des élèves de première du lycée de l'image et du son. Alors ce projet nous tient beaucoup à cœur, car il aborde d'une part des causes que nous défendons en tant que jeunes, tout en s'inspirant de nos parcours, qu'ils soient liés au harcèlement scolaire, sexuel et à notre vie quotidienne. Notre groupe d'écriture est né de curiosité, d'amour et de cinéma, d'amour du cinéma et d'une volonté de défendre certaines causes. Nous nous sommes naturellement orientés vers des questions de harcèlement de rue liées au genre, de cyberharcèlement et rapidement aussi de harcèlement scolaire dont la majorité d'entre nous ont malheureusement été victimes. Nous avons regroupé des expériences, des questions. On les a mises en commun, on en a discuté pour ainsi créer un vrai scénario. Et après, à partir de cette écriture, on est arrivé à la réalisation de notre court-métrage grâce aux BTS qui nous ont vraiment aidés. Et sûrement, c'est vraiment sans eux, on n'aurait pas pu le finir et il serait vraiment pas réalisé. Et merci. Donc, vous allez donc assister à la journée de Camille, un jeune lycéen qui subit des remarques sexistes qui sont dans notre société habituellement adressées aux femmes. C'est donc dans un monde inversé que ce personnage évolue et les clichés sexistes sont donc adressés aux hommes. On espère que vous serez sensible aux différentes causes qu'on défend dans ce projet et sensible à notre démarche créative aussi en tant que jeune. On aimerait beaucoup remercier Ovidie pour sa sensibilité envers nos combats, son encadrement, son écoute et sa créativité sans faille. Merci à tous les cinq. On regarde donc la journée de Camille. Avant de poster ça, mais tu te respectes pas en fait. On se voit bientôt au bois de Boulogne alors. Je vois pas qu'elle me voudra de toi après ça. Oh là là, tu me fais pitié mec. Non mais regarde-toi, tu me dégoûtes. Il a une sale gueule, mais vous trouvez pas qu'il a un bon petit cul à lui? Suicide-toi pour nous, s'il te plaît. Oh Camille, je te parle. Excuse-moi, mais ça commence à me gaver. Je veux dire, j'ai posté un truc et ils sont tous en PLS. Faut qu'ils se calment, sérieux, tiens, lis ça. Est-ce que ta participation à ce court-métrage, ça a eu un effet un peu cathartique, presque, puisque le personnage de Camille, il te ressemble vraiment beaucoup. Même l'histoire des amis qui se détournent de toi, il y a quand même des parallèles qui sont flagrants. Est-ce que ça a participé, est-ce que ça a achevé finalement une partie peut-être de ta reconstruction par rapport à tout ça ou... Je pense que ça a été important, oui, parce que j'ai été complètement transparent avec ça et j'en ai parlé librement devant des gens que je connaissais peu. Ça m'a aidé à faire du chemin aussi. Je parcours petit à petit ce chemin-là pour me reconstruire et pour retrouver confiance en moi. Je pense que l'écriture a fait partie. Et puis après, là, le tournage aussi, ça fait du bien de pouvoir savoir qu'on a mené un projet... Il y a des aspects dans lesquels on se reconnaît et qu'on peut mener à terme. Mais moi, quand je vois les plans, tout ça, je me revois complètement là-dedans, en fait. Oui, ça aide aussi. Et se dire que il va bouger un petit peu ce film, c'est aussi pouvoir dire bah, je vais pouvoir aussi montrer moi mon combat derrière à des gens et pouvoir montrer ce qui m'est arrivé et pouvoir en parler aussi. C'est important de pouvoir... montrer aux gens que c'est une réalité, le harcèlement, et que c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Et que voilà, c'est pas un simple court-métrage où on a eu des idées comme ça qui nous passaient par la tête, et que c'est vraiment des témoignages. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué d'entendre les parcours des autres. Et oui, ça aide aussi d'avoir... d'entendre qu'on n'est pas tout seul. Ça tourne pour moi. Ça tourne aussi. Depuis sa projection, des établissements et intervenants associatifs de tous bords se sont appropriés le film et l'utilisent désormais en atelier de prévention. Et si le film fonctionne si bien, c'est parce qu'il n'y a rien de tel qu'une parole adolescente pour s'adresser aux adolescents. Et c'est donc une fin de tournage. C'était quand les ados cyberharcelés reprennent la main. Avec Marie-Noël Soira, Yannick Vinstel, Thierry Roule, Nathalie Philippe, Justin, Kevin, Léa, Emeric, Adèle, Lucie, Camille et les étudiants BTS du lycée de l'image et du son d'Angoulême. On l'a appelé Popotin normalement. Ouais, il y avait la scène Popotin, mais elle n'a pas essayé. Il est là, si tu veux. Si tu veux, mais les sujets dans ton... Prise de son studio, Claude Niort. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Nathalie Battus. Une série documentaire proposée par Ovidie. Il a mis d'accord. Lycéens, adolescents, jeunes, teenagers, mineurs ou majeurs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur son téléphone, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment se porte la diplomatie. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience. Petite fille, a les yeux mouillés ce matin. Mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains. Qu'ils disent qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien. De la voir pleurer, ça leur fait peut-être du bien. Elle noircit des pages, elle écrit des poèmes qui parlent de voyage. De l'âge, mais ce n'est qu'une enfant qui prendra le large un jour évidemment. Tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie, bientôt tu riras si fort que la terre tremblera d'envie. Petite fille a peur de rentrer dans la classe. Elle veut être invisible, se fondre dans la masse. Pour aller à pas d'amour, y a que des juges en cartable qui l'attendent dans la cour. De quoi est-elle coupable? Elle prend sa guitare pour s'évader un peu, se fait des histoires de princes merveilleux. Des mirages avec ses yeux d'enfant, tu prendras le large et d'abord prends le temps. Tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie, bientôt tu riras si fort que la terre tremble. Sur son cahier, elle se dit à elle-même, tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie,